Homère, l'Iliade. Traduction nouvelle par le comte de Lille. Avertissement. Le temps des traductions infidèles est passé. Il se fait un retour manifeste vers l'exactitude du sens et la littéralité. Ce qui n'était, il y a quelques années, qu'une tentative périlleuse est devenu un besoin réfléchi de toutes les intelligences élevées. Le goût public s'est épuré en s'élargissant. La traduction de l'Iliade que nous publions aujourd'hui offrira, ce nous semble, une idée plus nette et plus vraie de l'œuvre homérique que celle qu'en ont donné les versions élégantes de tant d'écrivains, remarquables et savants sans doute, mais qui n'ont pas cru devoir reproduire, dans son caractère héroïque et rude, la poésie des vieux rhapsodes, connue sous le nom collectif d'Homère. Monsieur le comte de Lille a tenté de faire ce que ses honorables devanciers ont négligé d'entreprendre. L'éditeur. Iliade, Rhapsodie 1. Chante, déesse, du Péléiade Achilleus, la colère désastreuse, qui de maux infinis accabla les Achaïens et précipita chez Aïdès tant de fortes âmes de héros, livrées eux-mêmes en pâture aux chiens et à tous les oiseaux carnassiers. Et le dessein de Zeus s'accomplissait ainsi, depuis qu'une querelle avait divisé l'Atréide, roi des hommes, et le divin Achilleus. Qui d'entre les dieux les jeta dans cette dissension? Le fils de Zeus et de Leto. Irrité contre le roi, il suscita dans l'armée un mal mortel. Et les peuples périssaient parce que l'Atréide avait couvert d'opprobre Chrysès, le sacrificateur. Et celui-ci était venu vers les nefs rapides des Achaïens pour acheter sa fille. Et, portant le prix infini de l'affranchissement, et, dans ses mains, les bandelettes de l'archer Apollon, suspendus au sceptre d'or, il conjura tous les Achaïens, et surtout les deux Atréides, princes des peuples. Atréides, et vous, Achaïens aux belles Cnémides, que les dieux qui habitent les demeures olympiennes vous donnent de détruire la ville de Priamos, et de vous en retourner heureusement. Mais rendez-moi ma fille bien-aimée, et recevez le prix de l'affranchissement, si vous révérez le fils de Zeus, l'archer Apollon. Et tous les Achaïens, par des rumeurs favorables, voulait qu'on respectât le sacrificateur et qu'on reçût le prix splendide. Mais cela ne plut point à l'âme de l'Atréide Agamemnon. Il le chassa outrageusement et lui dit cette parole violente. « Prends garde, vieillard, que je te rencontre auprès des nefs creuses, soit que tu t'y attardes, soit que tu reviennes, de peur que le sceptre et les bandelettes du dieu ne te protègent plus. Je n'affranchirai point ta fille. La vieillesse l'atteindra en ma demeure, dans Argos, loin de sa patrie, tissant la toile et partageant mon lit. Mais va, ne mérite point, afin de t'en retourner sauf. » Il parla ainsi, et le vieillard trembla et obéit. Il allait silencieux le long du rivage de la mer au bruit sans nombre. Et, se voyant éloigné, il conjura le roi Apollon que Leto à la belle chevelure enfanta. « Entends-moi, porteur de l'arc d'argent, qui protège Chrysée et Kyla, la sainte, et commande fortement sur Ténédos, Sminteus. Si jamais j'ai orné ton beau temple, si jamais j'ai brûlé pour toi les cuisses grasses des taureaux et des chèvres, exauce mon vœu, que les Danaïens expient mes larmes sous tes flèches. » Il parla ainsi en priant, et Phoïbos Apollon l'entendit. Et, du sommet olympien, il se précipita, irrité dans son cœur, portant l'arc sur ses épaules, avec le plein carquois. Et les flèches sonnaient sur le dos du dieu irrité. À chacun de ses mouvements, il allait semblable à la nuit. Assis à l'écart, loin des nefs, il lança une flèche, et un bruit terrible sortit de l'arc d'argent. Il frappa les mulets d'abord et les chiens rapides. Mais ensuite, il perça les hommes eux-mêmes du trait qui tue. Et sans cesse les bûchers brûlaient, lourds de cadavres. Depuis 9 jours, les flèches divines sifflaient à travers l'armée, et le 10e, Achilleus convoqua les peuples dans l'agora. Erré au bras blanc le lui avait inspiré, anxieuse des Danaïens, et les voyant périr. Et quand ils furent tous réunis, se levant au milieu d'eux, Achilleus au pied rapide parla ainsi. « Atréide, je pense qu'il nous faut reculer, et reprendre nos courses errantes sur la mer, si toutefois nous évitons la mort, car toutes deux, la guerre et la contagion, domptent les Achaïens. Hâtons-nous d'interroger un divinateur ou un sacrificateur, ou un interprète des songes, car le songe vient de Zeus. Qu'ils disent pourquoi Phoïbos Apollon est irrité, soit qu'il nous reproche des vœux négligés ou qu'il demande des hécatombes promises. Sachant si, content de la graisse fumante des agneaux et des belles chèvres, il écartera de nous cette contagion. » Ayant ainsi parlé, il s'assit. Et le Thestoride Calchas, l'excellent divinateur, se leva. Il savait les choses présentes, futures et passées. Il avait conduit à Hélios les nefs achaïennes, à l'aide de la science sacrée dont l'avait doué Phoïbos Apollon. Très sage, il dit dans l'Agora, « Ô Achilleus, cher à Zeus, tu m'ordonnes d'expliquer la colère du roi Apollon l'archer. Je le ferai, mais promets d'abord et jure que tu me défendras de ta parole et de tes mains. Car sans doute, je vais irriter l'homme qui commande à tous les Argiens et à qui tous les Achaïens obéissent. Un roi est trop puissant contre un inférieur qui l'irrite. » Bien que dans l'instant il réfrène sa colère, il l'assouvit un jour, après l'avoir couvée dans son cœur. « Dis-moi donc que tu me protégeras. » Et Achilleus, aux pieds rapides, lui répondant, parla ainsi. « Dis sans peur ce que tu sais. » Non, par Apollon, cher à Zeus, et dont tu découvres d'un à un les volontés sacrées. Non, nul d'entre eux, Calchas, moi vivant et les yeux ouverts, ne portera sur toi des mains violentes auprès des nefs creuses, quand même tu nommerais Agamemnon, qui se glorifie d'être le plus puissant des Achaïens. » Et le divinateur irréprochable prit courage et dit, « Apollon ne vous reproche ni vœux ni hécatombe, mais il venge son sacrificateur, qu'Agamemnon a couvert d'opprobre, car il n'a point délivré sa fille, dont il a refusé le prix d'affranchissement. Et c'est pour cela que l'archer Apollon vous accable de maux. Il vous en accablera, et il n'écartera point les lourdes cares de la contagion, que vous n'ayez rendu à son père bien-aimé la jeune fille aux sourcils arqués, et qu'une hécatombe sacrée n'ait été conduite à griser. Alors nous apaiserons le dieu. » Ayant ainsi parlé, il s'assit, et le héros Atréide Agamemnon, qui commande au loin, se leva, plein de douleur. Et une noire colère emplissait sa poitrine, et ses yeux étaient pareils à des feux flambants. Furieux contre Calchas, il parla ainsi. « Divinateur malheureux, jamais tu ne m'as rien dit d'agréable. Les mots seuls te sont doux à prédire. Tu n'as jamais ni bien parlé, ni bien agi. Et voici maintenant qu'au milieu des Danaïns, dans l'Agora, tu prophétises que l'archer Apollon nous accable de maux parce que je n'ai point voulu recevoir le prix splendide de la Vierge Chryséis, aimant mieux la retenir dans ma demeure lointaine. En effet, je la préfère à Clyptène Estrée, que j'ai épousée vierge. Elle ne lui est inférieure ni par le corps, ni par la taille, ni par l'intelligence, ni par l'habileté aux travaux. Mais je la veux rendre. Je préfère le salut des peuples à leur destruction. Donc, préparez-moi promptement un prix, afin que, seul d'entre tous les Argiens, je ne sois point dépouillé. Cela ne conviendrait point, car vous le voyez, ma part m'est retirée. » Et le divin Achilleus, aux pieds rapides, lui répondit. « Très orgueilleux, Atréide, le plus avare des hommes, comment les magnanimes Achaïens te donneraient-ils un autre prix? Avons-nous des dépouilles à mettre en commun? Celles que nous avons enlevées des villes saccagées ont été distribuées, et il ne convient point que les hommes en fassent un nouveau partage. Mais toi, remets cette jeune fille à son dieu, et nous, Achaïens, nous te rendrons le triple et le quadruple, si jamais Zeus nous donne de détruire Troie aux fortes murailles. » Et le roi Agamemnon, lui répondant, parla ainsi. « Ne crois point me tromper, quelque brave que tu sois, Achilleus, semblable à un dieu, car tu ne me séduiras ni me persuaderas. Veux-tu, tandis que tu gardes ta part, que je reste assis dans mon indigence en affranchissant cette jeune fille? Si les magnanimes Achaïens satisfont mon cœur par un prix d'une valeur égale, soit. Sinon, je ravirai le tien, ou celui d'Aias, ou celui d'Odysseus. Et je l'emporterai, et celui-là s'indignera vers qui j'irai. Mais nous songerons à ceci plus tard. Donc, lançons une nef noire à la mer divine, munie d'aviron, chargé d'une hécatombe, et faisons-y monter Chryséis aux belles joues, sous la conduite d'un chef, Aias, Idoménéus, ou le divin Odysseus, ou toi-même, Péléide, le plus effrayant des hommes, afin d'apaiser l'archer Apollon par les sacrifices accomplis. » Et Achilleus, aux pieds rapides, le regardant d'un œil sombre, parla ainsi. « Ah, revêtu d'impudence, ah, proguin, Comment un seul d'entre les Achaïens souhaiterait-il de t'obéir ? Soit qu'il faille tendre une embuscade, soit qu'on doive combattre courageusement contre les hommes. Je ne suis point venu pour ma propre cause attaquer les Troyens armés de lances, car ils ne m'ont jamais nui. Jamais ils ne m'ont enlevé ni mes bœufs ni mes chevaux. Jamais dans la fructueuse Phtiée ils n'ont ravagé mes moissons. Car un grand nombre de montagnes ombragées et la mer sonnante nous séparent. Mais nous t'avons suivi pour te plaire, impudent, pour venger Ménélaos et toi, œil de chien, et tu ne t'en soucies, ni ne t'en souviens, et tu me menaces de m'enlever la récompense pour laquelle j'ai tant travaillé, et que m'ont donné les fils des Achaïens. Certes, je n'ai jamais une part égale à la tienne quand on saccage une ville troyenne bien peuplée, et cependant mes mains portent le plus lourd fardeau de la guerre impétueuse. Et quand vient l'heure du partage, la meilleure part est pour toi. Éployant sous la fatigue du combat, je retourne vers Ménèphe, satisfait d'une récompense modique. Aujourd'hui, je pars pour la Phtiée, car mieux vaut regagner ma demeure sur Ménèphe et Pronée. Et je ne pense point qu'après m'avoir outragé, tu recueilles ici des dépouilles et des richesses. Et le roi des hommes, Agamemnon, lui répondit : Fuis, si ton cœur t'y pousse. Je ne te demande point de rester pour ma cause. 1000 autres seront avec moi, surtout le très sage Zeus. Tu m'es le plus odieux des rois nourris par le Cronide. Tu ne te plais que dans la dissension, la guerre et le combat. Si tu es brave, c'est que les dieux l'ont voulu sans doute. Retourne dans ta demeure avec tes nefs et tes compagnons. Commande aux Myrmidones. Je n'ai nul souci de ta colère, mais je te préviens de ceci. Puisque Phoïbos Apollon m'enlève Chryséis, je la renverrai sur une de mes nefs avec mes compagnons. Et moi-même j'irai sous ta tente, et j'en entraînerai Briseis aux belles joues, qui fut ton partage, afin que tu comprennes que je suis plus puissant que toi, et que chacun redoute de se dire mon égal en face. » Il parla ainsi, et le Péléion fut rempli d'angoisse, et son cœur, dans sa mâle poitrine, délibéra si, prenant l'épée aiguë sur sa cuisse, il écarterait la foule et tuerait l'Atréide, ou s'il apaiserait sa colère et réfrénerait sa fureur. Et tandis qu'il délibérait dans son âme et dans son esprit, et qu'il arrachait sa grande épée de la gaine, Athénée vint de l'Ouranos, car Héré au bras blanc l'avait envoyée, aimant et protégeant les deux rois. Elle se tint en arrière et saisit le Péléon par sa chevelure blonde, visible pour lui seul, car nul autre ne la voyait. Et Achilleus, stupéfait, se retourna, et aussitôt il reconnut Athénée, dont les yeux étaient terribles. Il lui dit, en paroles ailées, « Pourquoi es-tu venue, fille de Zeus tempétueux ? Est-ce afin de voir l'outrage qui m'est fait par l'Atréide Agamemnon ? Mais je te le dis, et ma parole s'accomplira, je pense. Il va rendre l'âme à cause de son insolence. » Et Athénée, aux yeux clairs, lui dit, « Je suis venue de l'Ouranos pour apaiser ta colère, si tu veux obéir. La divine Érée au bras blanc m'a envoyé, vous aimant, et vous protégeant tous deux. Donc, arrête, ne prends point l'épée en main, venge-toi en parole, quoi qu'il arrive. Et je te le dis, et ceci s'accomplira. Bientôt ton injure te sera payée par 3 fois autant de présents splendides. Réprime-toi, et obéis-nous. » Et Achilleus, aux pieds rapides, lui répondant, parla ainsi. « Déesse, il faut observer ton ordre. Bien que je sois irrité dans l'âme, cela est pour le mieux sans doute, car les dieux exaucent qui leur obéit. » Il parla ainsi, et frappant d'une main lourde la poignée d'argent, il repoussa sa grande épée dans la gaine et n'enfreignit point l'ordre d'Athénée. Et celle-ci retourna auprès des autres dieux dans les demeures olympiennes de Zeus tempétueux. Et le Péléide, débordant de colère, interpella l'Atréide avec d'âpres paroles. « Lourde vin, œil de chien, cœur de cerf, jamais tu n'as osé dans ton âme t'armer pour le combat avec les hommes, ni tendre des embuscades avec les princes des Achaïens. Cela t'épouvanterait comme la mort elle-même. Certes, il est beaucoup plus aisé dans la vaste armée achaïenne d'enlever la part de celui qui te contredit, roi qui mange ton peuple parce que tu commandes à des hommes vils. S'il n'en était pas ainsi, Atréide, cette insolence serait la dernière. Mais je te le dis, et j'en jure un grand serment, par ce sceptre qui ne produit ni feuilles ni rameaux et qui ne reverdira plus depuis qu'il a été tranché du tronc sur les montagnes et que l'airain l'a dépouillé de feuilles et d'écorce. et par le sceptre que les fils des Achaïens portent aux mains quand ils jugent et gardent les lois au nom de Zeus, je te le jure par un grand serment. Certes, bientôt le regret d'Achilleus envahira tous les fils des Achaïens, et tu gémiras de ne pouvoir les défendre, quand ils tomberont en foule sous le tueur d'hommes, Hector. Et tu seras irrité et déchiré au fond de ton âme d'avoir outragé le plus brave des Achaïens. » Ainsi parla le Péléide. Il jeta contre terre le sceptre au clou d'or, et il s'assit. Et l'Atréide s'irritait aussi. Mais l'excellent agorète des Pyliens, l'harmonieux Nestor, se leva. Et la parole coulait de sa langue, douce comme le miel. Il avait déjà vécu deux âges d'hommes. Il avait déjà vécu deux âges d'hommes nés et nourris avec lui dans la divine Pylos. Il régnait sur le troisième âge. Très sage, il dit dans l'agora, « Ô Dieu, certes un grand deuil envahit la terre à Cayenne. Voici que Priamos se réjouira et que les fils de Priamos et tous les autres Troyens se réjouiront aussi dans leur cœur quand ils apprendront vos querelles, à vous qui êtes au-dessus des Danaïns dans l'agora et dans le combat. Mais laissez-vous persuader, car vous êtes tous deux fois moins âgés que moi. J'ai vécu autrefois avec des hommes plus braves que vous, et jamais ils ne m'ont cru moindre qu'eux. Non, jamais je n'ai vu et je ne reverrai des hommes tels que Péritoos, Edrias, prince des peuples, Caïnéos, Exadios, Polyphémos, semblable à un dieu, et Thésaeus, Égéide, pareil aux immortels. Certes, ils étaient les plus braves des hommes nourris sur la terre. Ils combattaient contre les plus braves, les centaures des montagnes, et ils les tuèrent terriblement. Et j'étais avec eux, étant allé loin de Pylos et de la terre d'Apié. Ils m'avaient appelé, et je combattais selon mes forces, car nul des hommes qui sont aujourd'hui sur la terre n'aurait pu leur résister. Mais ils écoutaient mes conseils, et s'y conformaient. Obéissez donc, car cela est pour le mieux. Il n'est point permis à Agamemnon, bien que le plus puissant, d'enlever au Péléide la vierge que lui ont donnée les fils des Achaïens. Mais tu ne dois point aussi, Péléide, résister au roi, car tu n'es point l'égal de ce porte-sceptre que Zeus a glorifié. Si tu es le plus brave, si une mère divine t'a enfanté, celui-ci est le plus puissant et commande à un plus grand nombre. Atréide, renonce à ta colère, et je supplie Achilleus de réprimer la sienne, car il est le solide bouclier des Achaïens dans la guerre mauvaise. » Et le roi Agamemnon parla ainsi. « Vieillard, tu as dit sagement et bien. Mais cet homme veut être au-dessus de tous, commander à tous et dominer sur tous. Je ne pense point que personne y consente. Si les dieux qui vivent toujours l'ont fait brave, lui ont-ils permis d'insulter ?» Et le divin Achilleus lui répondit, « Certes, je mériterais d'être nommé lâche ou vil si, à chacune de tes paroles, je te complaisais en toutes choses. Commande aux autres, mais non à moi, car je ne pense point que je t'obéisse jamais plus désormais. Je te dirai ceci, garde-le dans ton esprit, je ne combattrai point contre aucun autre, à cause de cette vierge, puisque vous m'enlevez ce que vous m'avez donné. Mais tu n'emporteras rien contre mon gré de toutes les autres choses qui sont dans ma nef noire et rapide. Tente-le, fais-toi ce danger, et que ceux-ci le voient, et aussitôt ton sang noir ruissellera autour de ma lance. » S'étant ainsi outragé de paroles, ils se levèrent et rompirent l'agora auprès des nefs des Achaïens. Et le Péléide se retira avec le Ménoitiade et ses compagnons vers ses tentes. Et l'Atréide lança à la mer une nef rapide, l'arma de 20 avirons, y mit une hécatombe pour le dieu et y conduisit lui-même Chryséis aux belles joues. Et le chef fut le subtil Odysseus. Et comme il naviguait sur les routes marines, l'Atréide ordonna au peuple de se purifier. Ils se purifiaient tous. Ils jetaient leurs souillures dans la mer, et ils sacrifiaient à Apollon des hécatombes choisies de taureaux et de chèvres, le long du rivage de la mer inféconde, et l'odeur en montait vers l'Ouranos dans un tourbillon de fumée. Et pendant qu'ils faisaient ainsi, Agamemnon n'oubliait ni sa colère, ni la menace faite à Achilleus. Et il interpella Talthybios et Eurybates, qui étaient ses héros familiers. « Allez à la tente du Péléide Achilleus, saisissez de la main Briseis aux belles joues, et s'il ne la donnait pas, j'irai la saisir moi-même avec un plus grand nombre, et ceci lui sera plus douloureux. » Et il les envoya avec ses âpres paroles. Ils marchaient à regret le long du rivage de la mer inféconde, et ils parvinrent aux tentes et aux nefs des Myrmidones. Ils trouvèrent le Péléide assis auprès de sa tente et de sa nef noire, et Achilleus ne fut point joyeux de les voir. Effrayés et pleins de respect, ils se tenaient devant le roi, et ne lui parlaient ni ne l'interrogeaient. Il les comprit dans son âme et dit « Salut, messager de Zeus et des hommes, approchez. Vous n'êtes point coupables envers moi, mais bien Agamemnon qui vous envoie pour la vierge Briseïs. Debout, divin Patroclos, amène-la et qu'il l'entraîne. Mais qu'il soit témoin devant les dieux heureux, devant les hommes mortels et devant ce roi féroce, si jamais on a besoin de moi pour conjurer la destruction de tous. Car certes, il est plein de fureur dans ses pensées mauvaises, il ne se souvient de rien, il ne prévoit rien, de façon que les Achaïens combattent sauf auprès des nefs. » Il parla ainsi, et Patroclos obéit à son compagnon bien-aimé. Il conduisit hors de la tente Briseïs aux belles joues, et il la livra pour être entraînée. Et les héros retournèrent aux nefs des Achaïens, et la jeune femme allait, les suivant à contre-cœur. Et Achilleus, en pleurant, s'assit, loin des siens, sur le rivage blanc d'écume, et, regardant la haute mer toute noire, les mains étendues, il supplia sa mère bien-aimée. « Mère, puisque tu m'as enfanté pour vivre peu de temps, l'Olympien Zeus qui tonne dans les nues devrait m'accorder au moins quelque honneur, mais il le fait maintenant moins que jamais. » Et voici que l'Atréide Agamemnon, qui commande au loin, m'a couvert d'opprobre, et qu'il possède ma récompense qu'il m'a enlevée. » Il parla ainsi, versant des larmes, et sa mère vénérable l'entendit, assise au fond de l'abîme, auprès de son vieux père. Et aussitôt elle émergea de la blanche mer comme une nuée, et, s'asseyant devant son fils qui pleurait, elle le caressa de la main et lui parla. « Mon enfant, pourquoi pleures-tu? Quelle amertume est entrée dans ton âme? Parle, ne cache rien, afin que nous sachions tous deux. » Et Achilleus, au pied rapide, parla avec un profond soupir. « Tu le sais, pourquoi te dire ce que tu sais? Nous sommes allés contre Thébée la Sainte, ville d'Éthion, et nous l'avons saccagée, et nous en avons tout enlevé. Et les fils des Achaïens, s'étant partagé les dépouilles, donnèrent à l'Atréide Agamemnon Chryséis aux belles joues. Mais bientôt Chrysès, sacrificateur de l'archer Apollon, vint aux nefs rapides des Achaïens revêtus d'airain pour acheter sa fille. Il portait le prix infini de l'affranchissement, et dans ses mains les bandelettes de l'archer Apollon suspendues au sceptre d'or. Et, suppliant, il pria tous les Achaïens et surtout les deux Atréides, princes des peuples. Et tous les Achaïens, par des rumeurs favorables, voulaient qu'on respectât le sacrificateur et qu'on reçût le prix splendide. Mais cela ne plut point à l'âme de l'Atréide Agamemnon. Il le chassa outrageusement avec une parole violente, et le vieillard irrité se retira. Mais Apollon exauça son vœu, car il lui est très cher. Il envoya contre les Argiens une flèche mauvaise, et les peuples périssaient amoncelés. Et les traits du dieu sifflaient au travers de la vaste armée achaïenne. Un divinateur sage interprétait dans l'agora les volontés sacrées d'Apollon. Aussitôt, le premier, je voulus qu'on apaisât le dieu. Mais la colère saisit l'Atréide, et se levant soudainement, il prononça une menace qui s'est accomplie. Les Achaïens, aux sourcils arqués, ont conduit la jeune vierge à Chrysée, sur une nef rapide, et portant des présents au dieu. Mes deux héros viennent d'entraîner de ma tante, la vierge Briseïs, que les Achaïens m'avaient donnée. Pour toi, si tu le veux, secours ton fils bien-aimé. Monte à l'Ouranos olympien et supplie Zeus si jamais tu as touché son cœur par tes paroles ou par tes actions. Souvent je t'ai entendu dans les demeures paternelles, quand tu disais que, seul, parmi les immortels, tu avais détourné un indigne traitement du Cronion qui amasse les nuées. Alors que les autres Olympiens, Erê et Poséidaon, et Pallas Athénée, le voulaient enchaîner. Et toi, déesse, tu as couru, et tu le délivras de ses liens, en appelant dans le vaste Olympos le géant aux cent mains, que les dieux nomment Briareos, et les hommes Aigaios. Et celui-ci était beaucoup plus fort que son père, et il s'assit, orgueilleux de sa gloire, auprès du Cronion. Et les dieux heureux en furent épouvantés, et n'enchaînèrent point Zeus. Maintenant, rappelle ceci en sa mémoire, presse ses genoux, et que venant en aide aux Troyens, ceux-ci repoussent, avec un grand massacre, les Achaïens contre la mer et dans leur nef. Que les Argiens jouissent de leur roi, et que l'Atréide Agamemnon, qui commande au loin, souffre de sa faute, puisqu'il a outragé le plus brave des Achaïens. Et Thétis, répandant des larmes, lui répondit « Hélas, mon enfant, pourquoi t'ai-je enfanté et nourri pour une destinée mauvaise? Que n'es-tu resté dans tes nefs, calme et sans larmes du moins, puisque tu ne dois vivre que peu de jours? Mais te voici très malheureux et devant mourir très vite parce que je t'ai enfanté dans mes demeures pour une destinée mauvaise. Cependant, j'irai dans l'Olympos neigeux et je parlerai à Zeus qui se réjouit de la foudre et peut-être m'écoutera-t-il. Pour toi, assis dans tes nefs rapides, reste irrité contre les Achaïens et abstiens-toi du combat. Zeus est allé hier du côté de l'Okéanos, à un festin que lui ont donné les Aéthiopiens irréprochables, et tous les dieux l'ont suivi. Le 12e jour, il reviendra dans Olympos. Alors j'irai dans la demeure des reins de Zeus, et je presserai ses genoux, et je pense qu'il en sera touché. » Ayant ainsi parlé, elle partit, et laissa Achilleus irriter dans son cœur au souvenir de la jeune femme à la belle ceinture qu'on lui avait enlevée par violence. Et Odysseus, conduisant l'hécatombe sacrée, parvint à Crisée. Et les Achaïens, étant entrés dans le port profond, plièrent les voiles qui furent déposées dans la nef noire. Ils abattirent joyeusement sur l'avant le mât dégagé de ses manœuvres, et, menant la nef à force d'aviron, après avoir amarré les câbles et mouillé les roches, ils descendirent sur le rivage de la mer, avec l'hécatombe promise à l'archer Apollon. Chryséis sortit aussitôt de la nef, et le subtil Odysseus, la conduisant vers l'autel, la remit aux mains de son père bien-aimé, et dit « Ô Chrysès, le roi des hommes, Agamemnon, m'a envoyé pour te rendre ta fille, et pour sacrifier une hécatombe sacrée à Phoïbos, en faveur des Danaïens, afin que nous apaisions le dieu qui accable les Argiens de calamités déplorables. » Ayant ainsi parlé, il lui remit aux mains sa fille bien-aimée, et le vieillard la reçut plein de joie. Aussitôt les Achaïens rangèrent la riche hécatombe dans l'ordre consacré autour de l'autel bâti selon le rite. Ils se lavèrent les mains et ils préparèrent les orges salées, et Chrysès, à haute voix, les bras levés, priait pour eux. « Entends-moi, porteur de l'arc d'argent, qui protège Crisée et la divine Kilia, et commande fortement sur Ténédos. Déjà tu as exaucé ma prière, tu m'as honoré et tu as couvert d'afflictions les peuples des Achaïens. Maintenant écoute mon vœu et détourne loin d'eux la contagion. » Il parla ainsi en priant, et Phoïbos Apollon l'exauça. Et après avoir prié et répandu les orges salées, renversant en arrière le cou des victimes, ils les égorgèrent et les écorchèrent. On coupa les cuisses, on les couvrit de graisse des deux côtés, et on posa sur elles les entrailles crues. Et le vieillard les brûlait sur du bois sec et les arrosait d'une libation de vin rouge. Les jeunes hommes, auprès de lui, tenaient en main des broches à cinq pointes, et les cuisses étant consumées, ils goûtèrent les entrailles. Et séparant le reste en plusieurs morceaux, ils les transfixèrent de leurs broches et les firent cuire avec soin, et le tout fut retiré du feu. Après avoir achevé ce travail, ils préparèrent le repas, et tous furent conviés, et nul ne se plaignit, dans son âme, de l'inégalité des parts. Ayant assouvi la faim et la soif, les jeunes hommes couronnèrent de vin les cratères et les répartirent entre tous, à pleine coupe. Et, durant tout le jour, les jeunes Achaïens apaisèrent le dieu par leurs hymnes, chantant le joyeux païen et célébrant l'archer Apollon, qui se réjouissait dans son cœur de les entendre. Quand Hélios tomba et que les ombres furent venues, ils se couchèrent auprès des câbles à la proue de leur nef. Et quand Eos, aux doigts rosés, né au matin, apparut, ils s'en retournèrent vers la vaste armée des Achaïens, et l'archer Apollon leur envoya un vent propice. Ils dressèrent le mât, ils déployèrent les voiles blanches, et le vent les gonfla par le milieu. Et l'onde pourprée sonnait avec bruit autour de la carène de la nef qui courait sur l'eau en faisant sa route. Puis, étant parvenus à la vaste armée des Achaïens, ils tirèrent la nef noire au plus haut des sables de la plage, et l'ayant assujetti sur de longs rouleaux, ils se dispersèrent parmi les tentes et les nefs. Mais le divin fils de Péléus, Achilleus, aux pieds rapides, assis auprès de ses nefs légères, couvait son ressentiment. Il ne se montrait plus ni dans l'agora qui illustre les hommes, ni dans le combat. Il restait là, se dévorant le cœur et regrettant le cri de guerre et la mêlée. Quand Eos reparut pour la 12e fois, les dieux qui vivent toujours revinrent ensemble dans l'Olympos, et Zeus marchait en tête. Et Thétis n'oublia point les prières de son fils. Et, émergeant de l'écume de la mer, elle monta, matinale, à travers le vaste Ouranos jusqu'à l'Olympos, où elle trouva celui qui voit tout, le Cronide, assis loin des autres dieux, sur le plus haut faîte de l'Olympos, aux cimes nombreuses. Elle s'assit devant lui, embrassa ses genoux de la main gauche, lui toucha le menton de la main droite, et, le suppliant, elle dit au roi Zeus Cronion, « Père Zeus, si jamais, entre les immortels, je t'ai servi, soit par mes paroles, soit par mes actions, exauce ma prière. Honore mon fils qui, de tous les vivants, est le plus proche de la mort. Voici que le roi des hommes, Agamemnon, l'a outragé, et qu'il possède sa récompense qui lui a enlevée. Mais toi, du moins, honore-le, Olympien, très sage Zeus, et donne le dessus aux Troyens jusqu'à ce que les Achaïens aient honoré mon fils et lui aient rendu hommage. » Elle parla ainsi, et Zeus, qui amasse les nuées, ne répondit pas et resta longtemps muet. Et Thétis, ayant saisi ses genoux qu'elle tenait embrassés, dit une seconde fois « Consent et promets avec sincérité, ou refuse-moi, car tu ne peux craindre rien, que je sache si je suis la plus méprisée des déesses. » Et Zeus, qui amasse les nuées, avec un profond soupir, lui dit « Certes, ceci va causer de grands malheurs quand tu m'auras mise en lutte avec Héré, et quand elle m'aura irritée par des paroles outrageantes. Elle ne cesse en effet, parmi les dieux immortels, de me reprocher de soutenir les Troyens dans le combat. Maintenant retire-toi en hâte, de peur que Héré t'aperçoive. Je songerai à faire ce que tu demandes, et je t'en donne pour gage le signe de ma tête, afin que tu sois convaincu. Et c'est le plus grand de mes signes pour les immortels, et je ne puis ni révoquer, ni renier, ni négliger ce que j'ai promis par un signe de ma tête. » Et le Cronion, ayant parlé, fronça ses sourcils bleus, et la chevelure ambroisienne s'agita sur la tête immortelle du roi, et le vaste Olympos en fut ébranlé. Tous deux, s'étant ainsi parlé, se séparèrent. Et Thétis sauta dans la mer profonde du haut de l'Olympos éblouissant, et Zeus rentra dans sa demeure. Et tous les dieux se levèrent de leur siège à l'aspect de leur père, et nul n'osa l'attendre, et tous s'empressèrent au-devant de lui, et il s'assit sur son trône. Mais Héré n'avait pas été trompé, l'ayant vu se concerter avec la fille du vieillard de la mer, Thétis, au pied d'argent. Et elle adressa d'amers reproches à Zeus Cronion. « Qui d'entre les dieux, ô plein de ruses, s'est encore concerté avec toi ? Il te plaît sans cesse de prendre loin de moi de secrètes résolutions, et jamais tu ne me dis ce que tu médites. » Et le père des dieux et des hommes lui répondit « Héré, n'espère point connaître toutes mes pensées. Elles te seraient terribles, bien que tu sois mon épouse. Celle qu'il convient que tu saches, aucun des dieux et des hommes ne la connaîtra avant toi. Mais pour celle que je médite loin des dieux, ne la recherche, ni ne l'examine. » La vénérable Héré aux yeux de bœuf lui répondit « Terrible Cronide, quelle parole as-tu dite ? Certes, je ne t'ai jamais interrogé, et n'ai point recherché tes pensées, et tu médites ce qu'il te plaît dans ton esprit. Mais je tremble que la fille du vieillard de la mer, Thétis au pied d'argent, ne t'ait séduit, car dès le matin elle s'est assise auprès de toi, et elle a saisi tes genoux. Tu lui as promis, je pense, que tu honorerais Achilleus, et que tu ferais tomber un grand nombre d'hommes auprès des nefs des Achaïens. » Et Zeus, qui amasse les nuées, lui répondit, et il dit, « Insensé, tu me soupçonnes sans cesse, et je ne puis me cacher de toi. Mais dans ton impuissance, tu ne feras que t'éloigner de mon cœur, et ta peine en sera plus terrible. Si tes soupçons sont vrais, sache qu'il me plaît d'agir ainsi. Donc, tais-toi et obéis à mes paroles. Prends garde que tous les dieux olympiens ne puissent te défendre, si j'étends sur toi mes mains sacrées. » Il parla ainsi, et la vénérable Héré aux yeux de bœuf fut saisie de crainte, et elle demeura muette, domptant son cœur altier. et dans la demeure de Zeus, les dieux uraniens gémirent. Et l'illustre ouvrier, Héphaïstos, commença de parler pour consoler sa mère bien-aimée, errée aux bras blancs. « Certes, nos maux seront funestes et intolérables si vous vous querellez ainsi pour des mortels, et si vous mettez le tumulte parmi les dieux. Nos festins brillants perdront leur joie si le mal l'emporte. Je conseille à ma mère, bien qu'elle soit déjà persuadée de ceci, de calmer Zeus, mon père bien-aimé, afin qu'il ne s'irrite point de nouveau et qu'il ne trouble plus nos festins. Certes, si l'Olympien qui darde les éclairs le veut, il peut nous précipiter de nos trônes, car il est le plus puissant. Tente donc de le fléchir par de douces paroles, et aussitôt l'Olympien nous sera bienveillant. » Il parla ainsi et, s'étant élancé, il remit une coupe profonde aux mains de sa mère bien-aimée et lui dit « Sois patiente, ma mère, et bien qu'affligée, supporte ta disgrâce, de peur que je te voie maltraitée, toi qui m'es chère, et que malgré ma douleur, je ne puisse te secourir, car l'Olympien est un terrible adversaire. Déjà une fois, comme je voulais te défendre, il me saisit par un pied et me jeta du haut des demeures divines. Tout un jour, je roulais, et avec Hélios qui se couchait, je tombais dans Lemnos, presque sans vie. Là, les hommes scintillants me reçurent dans ma chute. » Il parla ainsi, et la divine errée aux bras blancs sourit, et elle reçut la coupe de son fils. Et il versait par la droite à tous les autres dieux, puisant le doux nectar dans le cratère. Et un rire inextinguible s'éleva parmi les dieux heureux quand ils virent Héphaïstos s'agiter dans la demeure. Et ils se livraient ainsi au festin tout le jour jusqu'au coucher de Hélios, et nul d'entre eux ne fut privé d'une égale part du repas, ni des sons de la lyre magnifique que tenait Apollon, tandis que les muses chantaient tour à tour d'une belle voix. Mais après que la brillante lumière hélienne se fut couchée, eux aussi se retirèrent, chacun dans la demeure que l'illustre Héphaïstos boiteux des deux pieds avait construite habilement. Et l'Olympien Zeus, qui darde les éclairs, se rendit vers sa couche, là où il reposait quand le doux sommeil le saisissait. Et il s'y endormit, et auprès de lui errait au trône d'or.